on est toujours concentré dans les maniements de fou. Lola jusqu'à la mort, dis-moi si j'ai tort. Tu connais comme et tout la base, faut que tes métaphores. On reste direct, sincère et concret. J'ai plus d'ambition à chaque sortie de projet. Je me dois d'investir, nouvelle façon d'innover. Je vais pas me travestir comme toi pour des billets. Non, non, non, non, non, hey, on vaut plus que ça. Je suis pas ton motif. Nous, ta mère, on l'écoute pas. Tout mal qu'on dégage de là, nos DJ prennent les jeans plats. Tout comme un skik, ça, on m'a comme des tics, ça. Et merde pour toi si tu kiffes pas, c'est pas de bol. Car comme tout jusqu'à la mort, c'est ma parabole. Ma partie carambole, mon brûlant casse, mon fou ma quête. Ou même bien caché, un royal flush. Comme tout jusqu'à la mort, bébé. Tommy Hill, des Timberland, des chaînes en or et des Dollar Bills, des francs suisses, des polos sport. J'veux que mes polos sport bien et qu'à ma famille ils ne m'ont bien. C'est comme tout jusqu'à la mort, bébé. Mon flow il est tellement fort que tu vas congeler. C'est dangereux de se mettre contre nous. La conséquence c'est qu'on te frappe comme des fous. C'est comme tout. La base est true comme dans la place. Faut pas que tu crois que je blague avant que je débarque. Et puis je déclate, jamais je me rate. Ramène du rap de dingue. La seule chose que je porte toujours c'est mes couilles et mon flingue. Lyrical assassinat qui débarque dans ton quartier. C'est comme et tout mon frère, on veut mourir comme des martyrs de la rue. Y'a pas pire mon pote, man on a tire ta pute et puis te frappe sur ta jambe. Jusqu'à la mort bébé, il faut qu'on maintienne. Défonce les bouffons, sort les bouchons, je reste en cinquième. Vitesse, trop de finesse comme l'or, trop de style comme les putains de polo qu'on porte. Je sais que mes frères sont forts, même que mes faces les réconfortent des lettres mortes. On ressuscite le vrai message, on reste fit, baisse la vitre et lyrical drive-by, fils de bataille. Boom, bye, bye. Et qu'est-ce que tu veux faire, me tester, tu peux guère, j'ai le flair. Je cherche, cherche le genre, check les chambres de Richard. J'ai Richard, mais quand je déborde le beat comme Bill Lacher. J'ai des à la pierre de pédo. Avec moi, tu perds les pédales, ton vélo, trop de traîtres. Dans le deux fois pif, foire, rayon périmètre. Et maintenant, tu veux qu'on soit copains. Putain, le jour où tu sauras où je suis, j'serai déjà trop loin, alors viens pas me grailler. J't'ai vu bailler quand je liquidais des cailles. Mon sort, tu sais que c'est comme une chou jusqu'à la mort. Comme une chou jusqu'à la mort. Comme il faut, espèce de trou de cul de merde. Scatophile, cac sur le torse et sur le visage, espèce de salopard de merde. C'est la base comme un chou mafia.